Selon le journal d'internet sud-coréen La Voix du Peuple, la lutte à la bougie contre la disposition de SAD s'est déroulée le 26 août dans 58 régions, y compris Séoul, Incheon, Gwangju et Daegu. Surtout dans la province du Gyeongsang du Nord, on a protesté la bougie à la main dans cette région, y compris Andong et Pohang, sans parler de Songju et de Kimcheon, alors que dans la province du Gyeongsang du Sud, dans 13 régions, y compris Changwon. L'Action nationale contre la disposition de SAD, qui réunit 90 formations, y compris la Confédération nationale des syndicats ouvriers démocratiques, Légion pour la paix et la réunification et l'Alliance des organisations des femmes, a tenu un rassemblement à la bougie devant la porte Gwangha de Séoul. Le 45e rassemblement à la bougie contre la disposition de SAD a eu lieu en présence de 1000 habitants devant la mairie de l'arrondissement de Songju, province du Gyeongsang du Nord.